Mélodie Marine vous présente La malédiction de Phébus, lue par l'auteur. Tous les personnages de ce livre sont fictifs, sauf Gaston Phébus III, comte de Foix, seigneur de Béarn. Toutefois, cette malédiction est totalement imaginaire, ainsi que tous les personnages s'y rattachant. Pour les besoins de ce roman, la petite cavité dans le village d'Orgex est devenue une belle grotte bien profonde. Si Phébus est écrit avec un F, c'est parce que cette époque, le PH n'existait pas encore. Remerciements à M. Guy Vergniol, qui m'a si gentiment renseigné sur l'histoire de ce pays et surtout qui a pris le temps de me traduire cette malédiction du français à l'occitan. Un grand merci également à Séverine pour sa mise en page et le travail de couverture. Remerciement spécial à mon correcteur et ami, M. Gérard Bourguignat. Sans eux, ce livre n'aurait pas vu le jour. Chapitre 1. Paris, mai 2018. Encore une nuit blanche. Cela faisait 3 mois que Jérémy ne dormait plus ou si peu. Chirurgien de renom de 45 ans, il venait de perdre Cory, sa femme depuis 8 ans. Foutu accident de voiture, foutu chauffard, ivre qui plus est. Il n'en pouvait plus de se retrouver confronté à cette vie parisienne qu'il exécrait de plus en plus. Amour, sa petite fille, sa belle petite princesse de 5 ans, malgré ses 3 interventions chirurgicales, était restée paraplégique suite à l'accident qui avait tué sa mère. Elle résidait chez ses grands-parents du côté de Bordeaux. L'enfant, depuis cet horrible drame, ne parlait plus. Non qu'elle ne le pouvait pas, mais le blocage et le choc étaient survenus juste après l'enterrement de sa maman. La mort dans l'âme, il avait dû se résoudre à accepter la proposition de ses parents d'accueillir la fillette. Elle lui manquait atrocement, mais la raison devait dominer son envie. Son enfant se remettrait certainement mieux entouré de tout l'amour feutré de ses grands-parents. 3 mois qu'il était au bout du rouleau. Pourtant, il lui fallait se lever chaque jour, se doucher, s'habiller, un café, et prendre sa Mercedes pour foncer à sa clinique dans Paris. Depuis 12 longues années, il la maintenait à bout de bras, avec abnégation et tant de sacrifices. Ces derniers temps, Cory et lui se disputaient sans cesse. Trop de travail, pas assez de temps consacré à sa vie de famille, plus de week-ends, de vacances. Il est vrai qu'au tout début, disons les 6 premières années, il les avait consacrées à se fabriquer une clientèle. Il lui avait fallu faire ses preuves. Ensuite, il aurait dû lever le pied. Malheureusement, il était devenu prisonnier d'un engrenage, toujours prêt à relever de nouveaux défis. Le temps avait passé sans qu'il ne se rendît compte que sa femme en avait assez de l'attendre. Elle était elle-même assez prise, responsable des ressources humaines d'une grande banque, mais elle avait su dès la naissance de leur fille déléguer ses responsabilités. Même son meilleur ami Frédéric, anesthésiste, l'avait laissé tomber pour retourner à ses racines primaires dans les Pyrénées. Elle n'avait certes pas tort, se dit Jérémy en nouant sa cravate. Une autre journée harassante l'attendait. Il quitta Mantes et roula plutôt bien pendant 10 bonnes minutes. Cependant, en lisant le panneau routier lumineux, il comprit qu'encore une fois, il allait laisser une bonne partie de son précieux temps dans de foutus embouteillages. Il ralentit. Un abruti le doubla à toute vitesse en le klaxonnant. Toujours la même délicatesse, pensa-t-il exaspéré. Finalement, il s'arrêta derrière les feux stop d'un poids lourd. Saisissant son smartphone, il appela sa secrétaire. « Bonjour, Cathy. Dites-moi, à quelle heure ai-je mon premier rendez-vous de la matinée ?»« Bonjour, monsieur. Quelque chose me dit que vous êtes encore dans un embouteillage et que vous n'avez pas suffisamment dormi, » constata-t-elle d'une voix douce. « Vous avez rendez-vous avec le juge Édouard à 14h15. » Toutefois, ce matin, vous deviez rencontrer 3 anesthésistes, dont le docteur Lallemand. Dormir, effectivement. J'ai oublié ce que c'était, marmonna-t-il. Mais vous avez raison, hélas, pour ce qui est du bouchon. J'en ai assez. Je vais reporter les rendez-vous de ce matin, si vous le désirez. Non, Cathy, merci. Voudriez-vous simplement les faire patienter, s'ils le peuvent, bien évidemment. Jérémy se remettait doucement en marche lorsqu'une violente secousse le projeta en avant. L'airbag se déclencha et le heurta de plein fouet. Il ressentit une violente douleur au visage et ce fut tout, le trou noir. Jérémy ne sut combien de temps il était resté inconscient. Un pompier avait ouvert sa portière et lui secouait doucement l'épaule. Il le bascula en arrière sur son siège et tamponna son visage avec délicatesse. Vous m'entendez, monsieur? Demanda le secouriste. Ah oui, murmura enfin Jérémy. Que s'est-il passé? Un carambolage. Comment vous sentez-vous? Jérémy reprenait doucettement ses esprits. Il porta une main à son nez, mais l'urgentiste du SAMU l'en empêcha. À cause de l'airbag, votre nez saigne. Je ne pense pas qu'il soit fracturé. Nous allons quand même vous transporter à Necker pour une radiographie. Oh non, fit Jérémy dans un sursaut. Je suis attendu pour une réunion importante. Le pompier lui coupa la parole. J'ai bien peur, monsieur, que cela ne doive attendre. Vous avez perdu connaissance et je ne vous laisserai pas repartir avant que vous n'ayez passé quelques examens de routine. Quelle heure est-il? Demanda Jérémy. À peine 10 heures, répondit le pompier. Jérémy dut s'incliner devant la détermination du jeune médecin. Il aurait fait de même. Et ma voiture? Une dépanneuse la déposera au garage de votre choix. Oh, ces examens vont être longs, pas plus de 2 heures si vous partez immédiatement. L'ambulance, toute sirène hurlante, quitta l'A13 par une déviation spéciale. Jérémy demanda à l'infirmier si la sirène était absolument indispensable. Elle lui cassait les oreilles et il sentait un méchant et lancinant mal de crâne s'installer. On lui répondit que c'était le protocole. Foutu protocole. À Necker, il fut embarqué immédiatement pour un examen radiologique. À croire qu'il n'avait que lui à soigner. Combien d'heures, certaines fois, il fallait attendre, ne serait-ce que pour un simple renseignement? Apparemment, c'était un jour avec, et tant mieux pour lui. Il n'aimait pas particulièrement les hôpitaux, le comble pour un chirurgien. Radio, prise de sang, encore que prise de sang fût un doux euphémisme. Une bande de vampires assoiffés n'aurait pu faire pire. La tête lui en tournait. Prise de la tension artérielle, puis, malgré ses protestations virulentes, installation dans une chambre particulière. Un médecin d'une bonne cinquantaine d'années, à l'air plus que rébarbatif, fit enfin son entrée. Il était presque 13 heures et Jérémy piaffait d'impatience. De plus, il crevait littéralement de faim. Le médecin feuilletait son bloc tout en jetant un bref coup d'œil à ce patient plus qu'agité. Monsieur Marchand, Jérémy Marchand, c'est bien moi. 45 ans, neurochirurgien. Jérémy eut soudainement envie de lui répondre qu'il connaissait bien son pédigré, mais tout compte fait, préféra se taire. Inutile de se mettre à dos le corps médical, du moins pas maintenant. Comment vais-je, docteur? Ce serait plutôt à moi de vous demander cela, monsieur Marchand. Je ne constate aucune fracture faciale, aucun traumatisme, fit le praticien en regardant attentivement le cliché de sa radiographie. Une bonne chose, murmura Jérémy. Je peux donc signer les papiers de sortie. Eh bien, cher monsieur, j'aimerais encore effectuer quelques examens complémentaires. Avez-vous mal à la nuque, à la tête? Des étourdissements? Il est évident qu'après un choc frontal comme celui que j'ai subi, il me reste des douleurs, cependant pas vraiment aiguës. Bien, très bien. Par contre, il s'arrêta pour lire le compte-rendu de l'examen sanguin. Votre examen sanguin ne me semble pas satisfaisant et je préconise d'approfondir pour mieux déceler le problème. Si l'on me reprend encore du sang, j'ai bien peur que là, vous ne vous trouviez en présence d'un vrai problème. Cela dit, je dois être en salle d'op à 14h15, très exactement. Le temps que j'y arrive, je serai déjà très en retard. Alors je ferai tous les examens que vous désirerez. Plus tard, je vous en donne ma parole. Jérémy se leva et se rassit aussitôt, pris d'un violent vertige. Il s'agrippa au montant du lit, blême. Voilà, dit simplement le docteur. Je pense que cette expérience vaut mieux que tous les longs discours que j'aurais pu vous faire. Je n'ai pas mangé depuis 3 jours. Vous êtes un inconscient, monsieur. Je comprends mieux à présent pourquoi votre taux de glycémie a atteint un niveau aussi alarmant. Je vais vous faire porter un bon déjeuner copieux. Je reviendrai ensuite contrôler votre taux de glycémie et s'il est satisfaisant et seulement si, vous pourrez peut-être sortir. Demain. Mais, et mon opération? Bougonna Jérémy. Pour la sécurité de votre patient, je vous suggère vivement de la reporter. Je préfère même vous garder 24 heures de plus en observation. Sur ces sages paroles, le médecin le quitta. Jérémy bouillait de colère entrée. Contre lui, tout d'abord, d'avoir fait l'imbécile et de n'avoir pas mangé pendant ces 3 derniers jours. Une attitude vraiment stupide et indigne d'un médecin. Contre ce confrère, ensuite, si imbu de lui-même et incapable de comprendre que son travail était au moins aussi important que le sien. Il ne lui restait plus qu'à rappeler sa secrétaire et à reporter tous ses rendez-vous. Maudit embouteillage, maudit carambolage, maudite ville! Mais il lui fallait surtout appeler son précieux patient, ce qu'il fit aussitôt. Que se passe-t-il, docteur Marchand? Fit le juge Édouard. Un accident, votre honneur. Pas grave, j'espère. Non, mais le corps médical, malgré toutes mes doléances, veut me garder à tout prix en observation. Je vais devoir reporter votre intervention et j'en suis désolé. Bah, mon ami, coupa le juge, la vie par moments vous réserve bien des surprises. Rassurez-vous, j'allais justement appeler votre secrétaire pour remettre notre rendez-vous. Prenez soin de vous, docteur, et ne râlez pas. Je vous connais, souvenez-vous. Je vous recontacterai dans quelques jours pour fixer une autre date. Je. Merci, monsieur le juge. Jérémy soupira d'aise. Finalement, cela ne se passait pas aussi mal. L'intervention du juge Édouard n'étant pas urgente, il pouvait se détendre. Il vit arriver une infirmière poussant une table roulante sur laquelle se trouvait un succulent déjeuner dont l'odeur lui mit l'eau à la bouche. Dubitatif, il demanda. On mange ainsi dans les hôpitaux désormais? Oh non, répliqua l'infirmière en riant. Mais vous avez droit à un régime de faveur, dirait-on. Le docteur Meillant vous a commandé ce succulent repas. Meillant, dites-vous? Oui. Meillant, Meillant. Il réfléchit encore quelques instants, le temps que la jeune femme installe son plateau. Un steak saignant à souhait, des frites croustillantes, quelques haricots verts ainsi que de la salade, des fruits frais en sirop léger, complétaient ce repas, arrosé d'une excellente bouteille de vin qui laissa Jérémy stupéfait. Du Montrachet? Eh bien. Le nom d'Amélie Meillant ne vous dit toujours rien, docteur Marchand, reprit la soignante. Amélie Meillant, bien sûr que si, je l'ai opérée pas moins de 4 fois, c'était. Il s'arrêta net. Ne me dites pas que c'est sa fille. Si, justement. Jérémy comprenait mieux à présent. Il avait sauvé la vie de cette jeune femme alors que tous les autres chirurgiens de la capitale et même d'Europe s'étaient refusés à toute intervention. La tumeur au cerveau l'aurait tuée en quelques heures. Comme elle était déjà dans le coma, il avait tenté le tout pour le tout, et en l'espace de 48 heures, il était intervenu 4 fois. Elle avait repris connaissance une semaine plus tard, une semaine d'angoisse profonde pour lui, qui passait toutes les 2 heures à son chevet et qui s'y était même endormi. Une main avait effleuré la sienne, l'avait réveillée en sursaut, et la plus belle des récompenses avait été ce doux sourire sur les lèvres de sa patiente. Des mois plus tard, elle sortait sur ses 2 jambes de sa clinique sans que plus aucune tache ne vienne assombrir toutes les radios, scanners et IRM. Il dévora tout ce que le plateau contenait sans en laisser la moindre miette. Rassasié, repu, il finit par s'assoupir. Une petite voix le tira de sa torpeur et il se demanda s'il ne rêvait pas. Coucou, monsieur, tu dors? Un petit bout de femme d'à peu près 4 ans était entrée dans sa chambre et l'observait. Tu dors? Insista-t-elle. Pourquoi ton nez, il est tout noir? Tu n'as pas fait ta toilette aujourd'hui? Jérémie réprima gloussement. Cette petite bonne femme, haute comme trois pommes, avait une sacrée conversation. J'ai eu un accident, vois-tu, et c'est mon grand nez qui a eu très mal. Il est cassé? Demanda la gamine, pas le moins du monde effrayée. Non, mais cela n'empêche pas qu'il me fait drôlement mal. C'est ma maman qui te soigne? Elle est docteur, tu sais? Non, je ne le savais pas, mais. Jérémie s'arrêta subitement. Ses petits cheveux blonds, tout frisés, ses hautes pommettes bien joufflues, son petit nez retroussé et surtout ses immenses yeux bleus myosotis lui rappelaient « Lily, où es-tu encore passée? Lily, veux-tu bien me répondre? » soupira l'enfant, c'est ma maman. Avant qu'elle n'ait pu rejoindre la porte, celle-ci s'ouvrit sur Amélie Meillant. Blouse blanche, un badge portant son nom, stéthoscope autour du cou, elle interpella la petite fille avant même de regarder vers le lit. Lily, je ne veux pas que tu entres dans la chambre des patients. Ce n'est pas poli. Il me semble pourtant en avoir déjà discuté avec toi. Il me semble bien que tu avais compris. L'enfant prit un air penaud et, rougissant, hocha lentement la tête. Le docteur Meillant, fille, releva le chef et commença par vouloir s'excuser pour le comportement de son enfant lorsqu'elle resta bouche bée. Docteur Marchand? C'est bien moi. Ainsi, cette charmante bambine est la vôtre? Grâce à vous, oui, docteur. Et charmante, elle l'est quand elle le veut. En l'occurrence, elle le serait davantage si elle obéissait un peu plus, n'est-ce pas, Lily? Oui, maman. Le docteur se retourna de nouveau vers lui et, inquiète à présent, lui demanda la raison de son hospitalisation. Une fois que Jérémie lui en ait relaté tous les détails, elle décida de lui faire son test elle-même. Comment se fait-il qu'il soit encore passablement bas? L'explication est très simple, ma fille, fit le docteur Meillant père qui entrait dans sa chambre. Ce monsieur est incurant de sa personne, ce qui m'étonne d'un aussi éminent neurochirurgien que lui. Je pense que demain tout sera rentré dans l'ordre et qu'il pourra de nouveau sévir, mais que surtout sa femme lui remontera les bretelles. À ces paroles, Jérémie baissa la tête et poussa un immense soupir. Comme j'aimerais, murmura-t-il. La petite Lily, que tout le monde avait oubliée, s'approcha du lit. Elle caressa sa main doucement et essuya une larme qui avait roulé dessus, pour lui demander « Pourquoi tu pleures? « Lily, s'il te plaît, ne te mêle pas de la conversation des grandes personnes. D'ailleurs, fit le docteur Meillant en fronçant les sourcils, ce n'est guère la place d'une enfant ici. » Amélie Meillant prit la petite par la main et elles sortirent de la chambre. Lily réussit quand même à lui faire un petit signe amical en guise d'au revoir, ce qui remit un léger sourire sur les lèvres de Jérémie. Meillant père attendit quelques instants avant de reprendre la parole. Il semblerait que je ne sache pas également me tenir à ma place. Cette remarque était déplacée et je tiens à m'en excuser humblement. Ce n'est rien, docteur, vous ne pouviez pas savoir. Voyant la mine suspicieuse du praticien, Jérémie ajouta vivement: Il ne s'agit pas d'un divorce. Ma femme a eu un accident de voiture, juste le jour de son 30e anniversaire. Ne me dites pas. Hélas, oui. Jérémie avala difficilement, la gorge nouée. Le docteur Meillant s'approcha et lui posant une main amicale sur l'épaule. Je suis désolé. Personne ne mérite ce genre de choses. Nous côtoyons la mort tous les jours, bien sûr, et vous le savez, plus que quiconque. Les cas ne sont pas tous les mêmes. La maladie est également une horrible souffrance, mais ça. Il y a longtemps que. 3 mois. 3 longs, très longs mois. Jérémie étouffa un sanglot. Le médecin laissa passer quelques instants avant de reprendre plus calmement. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas vous nourrir convenablement. Vous avez des responsabilités, dit-il d'une voix plus douce. Que croyez-vous qu'elle vous dirait en vous voyant aujourd'hui dans cet état? Elle serait certainement bien triste, mon ami. Il va falloir vous ressaisir et repartir d'un bon pied. Vous avez tellement à donner. Vous aviez une enfant, me semble-t-il. A-t-elle été? grièvement blessée dans le même accident et malgré tout ce que j'ai fait, elle est paraplégique désormais. Les larmes coulaient sur son visage sans qu'il se soucie de les essuyer. Alors faites-le pour elle. Elle a besoin de vous. Elle n'a plus que vous. Je n'en peux plus, docteur. Vous avez raison, je le sais bien, cependant. Le sommeil me fuit, et quand j'arrive enfin à y sombrer, il n'est plus peuplé que de sombres cauchemars. Si j'avais été plus présent, l'accident aurait eu lieu quand même, et vous le savez, fit doucement le vieux praticien. Certes, peut-être. Lorsque j'arrive à dormir quelques heures, à avoir un peu de répit et que je me réveille, la réalité me saute à la figure. Je ne me sens plus la force de travailler, de rouler dans cette ville que j'exècre, parmi ces habitants si égoïstes qui ne pensent qu'à leur petit bien-être. Vous pouvez crever devant eux sans qu'ils daignent lever le petit doigt, sans même vous voir. Il a fallu plus d'une heure pour désincarcérer ma femme et ma fille. Si l'appel au secours avait été effectué plus rapidement, peut-être alors que Corisande serait encore en vie. Peut-être aurais-je pu sauver les jambes de mon enfant. Ne vous mettez pas Martel en tête. Le destin en a décidé autrement, et ni vous, ni moi, ni n'importe qui d'autre n'y pouvons rien faire. Ce qui est doit s'accomplir, et c'est tout. Combien d'interventions simples avez-vous effectuées? Et pour combien d'entre elles avez-vous échoué? C'est dur, je le sais, mais c'est ainsi. Ne connaissez-vous donc personne chez qui prendre un peu de recul, vous ressourcer? Arrêtez-vous quelques semaines, quelques mois, je vous le demande. C'est plus que vital pour vous et votre enfant, vos patients, croyez-moi. Jérémy resta silencieux quelques instants. Oui, je sais que vous avez raison, docteur. Je vais y réfléchir sérieusement. Il venait de penser à son collaborateur et grand ami Frédéric. Oui, c'est même une excellente idée. Cependant, j'ai tellement de travail en cours. Le travail n'est pas tout dans la vie, mais c'est un des facteurs qui tue aussi sûrement si l'on s'y adonne comme vous le faites, sans plus de modération. Écoutez-moi, mon ami, arrêtez-vous et pas dans 3 jours ou 3 semaines, mais dans l'immédiat. Quelques coups de fil et c'est réglé. Allez-vous le faire? Eh bien, j'avoue que vu de cette façon, c'est très tentant. Ça a l'air si facile et si simple. D'autant plus que mon grand ami anesthésiste me sollicite depuis un bon moment. Prenez donc le temps qu'il vous faudra pour régler tout cela dans le calme. Je ne vous laisserai pas partir avant. Vous aurez ainsi le temps de mettre en œuvre la machine qui vous remplacera. Mais Yand lui pressa encore une fois l'épaule. Il l'ausculta, lui reprit sa glycémie. Voilà, tout se remet en place bien gentiment. Votre taux est presque revenu à la normale. Je vous laisse, je repasserai dans la soirée. Ah! Fit-il une lueur plus que malicieuse dans le regard. Si ma chipie de petite fille venait encore vous déranger. Je vous le ferai savoir, répondit Jérémy en souriant à son tour. Elle est bien jolie, Emmeline. Grâce à vous, nous avons cette petite merveille. Ne l'oubliez pas. C'est uniquement grâce à votre ténacité, vos performances d'excellent neurochirurgien. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le destin. Il referma la porte de la chambre et Jérémy se retrouva seul dans le silence feutré du grand hôpital. Il resta une bonne demi-heure immobile dans son lit. À part Fred, il avait encore quelques amis chirurgiens comme lui qui résidaient dans leur somptueuse villa sur la Côte d'Azur. Il n'aimait pas la Côte d'Azur. Sur ce point-là, elle ressemblait trop à la région parisienne. Plus il y réfléchissait, plus il pensait. Plus il pensait qu'aller chez Fred serait le bon point de chute pour se ressourcer pleinement. Et qui donc que son meilleur ami pour comprendre sa situation? Puis il se souvint qu'il ne l'avait même pas prévenu du décès de sa femme. Il lui avait fait tant de fois la promesse d'aller le voir. Ainsi, même si l'occasion n'était pas des plus propices, Fred l'accueillerait comme un frère. Fred vivait chez son père, qui élevait des chèvres. Il en avait eu assez de cette vie de dingue, disait-il. Ironie du sort, le tout jeune homme qu'il était à l'époque, fraîchement émoulu de l'université, ne voulait à aucun prix reprendre la petite exploitation familiale. Il rêvait de la ville, du luxe, de belles voitures, et cependant, Après avoir si brillamment réussi tous ses examens haut la main et être devenu l'un des anesthésistes les plus courus de la capitale, il avait tout plaqué pratiquement du jour au lendemain sans l'ombre d'un regret. À chaque fois que Jérémy l'avait eu au téléphone, c'était un Fred souriant, détendu, bref, heureux, qui avait trouvé sa voie avec bonheur.